me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici conviés comme chaque jour de cette semaine au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment l'opposition entre Victor Hugo et Louis Veuillot, leur longue inimitié, a-t-elle été finalement féconde l'un pour l'autre, demande Antoine Compagnon. Quel journalisme violent et intransigeant peut incarner Louis Veuillot quand le critique Sainte-Beuve distille, lui, poisons et malices? Qu'est-ce qu'un écrivain malicieux? Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, histoire critique théorie, achève cette semaine la vaste fresque historique et journalistique dans le cadre de sa série de la littérature comme sport de combat, initiée en 2017. Dans un premier cycle de cours l'an passé, je le rappelle, il avait mis en avant les tropes de la guerre littéraire qu'il avait empruntée aux Illusions perdues de Balzac. Cette année, il a proposé de s'attacher aux figures de ce journalisme belliqueux où la plume d'acier des écrivains peut passer au travers des corps, en essayant de leur associer à chacun un maître mot, un des tropes de la guerre littéraire, un mot de prédilection, comme chez Sainte-Beuve, qui sera l'ultime figure explorée dans cette série, demain et après-demain. Avant de découvrir ce que les châtiments d'un Victor Hugo passé à la montagne, traître à la chambre des pairs, peuvent valoir à Veuillot qui le pourfend, le rédacteur de l'Univers, cette figure du pamphlétaire réactionnaire avant la lettre, je vous propose un extrait du magazine littéraire Lecture pour tous en 1961, qui interroge la violence des catholiques et la notion de malice en littérature. Pierre Dumayet y interviewe l'écrivain journaliste catholique François Mauriac, alors illustre pourfendeur des déboires de la 4e République, dans sa chronique Le Bloc-Notes. Comment conciliez-vous, maître, ou conciliez-vous facilement plutôt la comment pourrait-on dire, la méchanceté pamphlétaire et la charité chrétienne? Ah, là, vous posez une question très grave pour le chrétien. Et je ne sais pas si vous avez réfléchi à ceci, que les pamphlétaires les plus méchants, les plus durs, sont les catholiques. Louis Veuillot était catholique, Léon Blois était catholique, Bernanos, qui était très dur et très mauvais, était catholique. Ne parlons pas de Claudel, qui était aussi, Dieu sait, ce catholique qu'il était, et qui était très dur et même impitoyable. Il y a là une question que je me suis souvent posée. Ne parlons pas de moi. Pour moi, il n'y a pas de problème, je suis né malicieux. Et disons que chez moi, la malice l'emporte de beaucoup sur l'esprit évangélique. Mais enfin, chez Blois, chez Claudel, chez Bernanos, eh bien voyez-vous, moi je donne cette réponse. C'est que ce sont des hommes en état de grâce, qui ont une vie sacramentelle, enfin une vie avec Dieu, si vous voulez, qui tout de même les empêche, et ce sont des tempéraments très passionnés, les empêche tout de même de dépenser cette passion comme le font la plupart des hommes. Et c'est peut-être étrange, mais c'est justement l'état de grâce et la vie sacramentelle qui les rend si terribles. en 1953, évoquant déjà la dent dure des catholiques, François Mauriac notait dans son bloc-notes la violence du Christ qui, et je cite, « déborde d'indignation, il désigne du doigt, il dénonce ». Thibaudet écrit, lui, pour sa part, qu'il semble que de fortes convictions chrétiennes fassent une bonne température pour l'invective, le plein orchestre verbal. Renan voyait dans Jérémie le premier des journalistes, et il n'avait pas tort. Le journalisme catholique a retrouvé en somme la température de ce prophète. Mais pour l'heure, le combat est politique entre un Veuillot, homme d'ordre rallié à Napoléon III, et un Victor Hugo engagé aux côtés des opprimés. Entre les deux anciens orléanistes, la rupture est totale en 1851. Découvrons tout de suite comment Victor Hugo et Louis Veuillot se sont longuement et cruellement affrontés, un duel souvent violent et ignoble, noté Antoine Compagnon dans son cours précédent. Et nous gagnons le Collège de France le 13 mars 2018, aujourd'hui une vieille citrouille à moitié remplie de diamants. Contre Hugo, Veuillot fait une apologie de Racine. Longue apologie de Racine avec ce parallèle qui revient. L'opposition est donc largement publique et politique, mais il y a toujours ce respect de Hugo, poète. Alors bien sûr, l'opposition politique des deux personnages publics s'accentue avec la révolution de juillet, entre 1848 et 1851. Bon, ils sont tous les deux orléanistes avant 48, vont évoluer très rapidement de manière différente. La réaction de Veuillot à la révolution de février est d'abord favorable. Il anticipait cette révolution écrivant quelques mois auparavant « Si Louis-Philippe mourait, je crois que nous serions de plein saut en pleine révolution », écrit en juillet 1847. La révolution a lieu en février. Veuillot, qui habite rue du Bac, voit la révolution aux Tuileries dans ses journées, et il écrit « Dieu fait son œuvre par toutes les mains, il marche à ses desseins par des voies que le monde ignore ». Bon, c'est une conception tout à fait mestrienne de l'histoire. C'est ce que Joseph de Maistre disait de la Révolution française. Dieu, poursuit-il, c'est dans l'univers du 27 février 1848. Donc la Révolution n'est pas terminée. C'est l'univers du 27 février, donc le premier Paris qui est daté du 26. Dieu parle par la voie des événements. La révolution de 1848 est une notification de la Providence. Voilà du Joseph de Maistre. La monarchie succombe sous le poids de ses fautes. Elle n'a plus aujourd'hui de partisans. Jamais trône n'a croulé d'une façon plus humiliante. C'est que ce trône n'était plus un trône. L'Église ne demande aux gouvernements humains qu'une seule chose, la liberté. Que la République française mette enfin l'Église en possession de cette liberté, que partout les couronnes lui refusent ou cherchent à lui ravir, il n'y aura pas de meilleur et de plus sincère républicain que les catholiques français. Monsieur de Lamartine a dit que la Révolution française est un écoulement du christianisme. Cette parole est vraie et nous l'avons prononcée avant lui. Peut-être qu'on peut être un peu surpris de lire cette déclaration républicaine sous la plume de Veuillot, le 27 février 1848. Veuillot est, en somme, entre Lacordaire et Montalembert, dans ces catholiques libéraux du moment. Cela dit, il évoluera très vite. Il dira 10 ans plus tard, sous l'Empire, il y a eu moins de républicains de la veille qu'il ne s'en est présenté le lendemain et plus de républicains du lendemain qu'il ne s'en est trouvé ensuite. J'appelle républicains du lendemain tous ceux qui n'ont pas demandé mieux que de croire à la République. J'avoue humblement que j'ai été de ce nombre et même pendant plus de 8 jours. Donc les journées de février et quelques jours après, mais il a changé très vite d'avis, ce défi du régime parlementaire Et bien sûr, en mai et juin 1848, il sera hostile au désordre. Mais pendant toute cette période, bon, il est par exemple lié avec Proudhon. Proudhon, qui n'a plus de lieu de publication, demande à publier dans l'Univers et Veuillot accepte. Ça ne se fera pas, mais c'est tout de même assez surprenant. Et il ne s'engage pas dans les élections à la présidence de la République à la fin de l'année 1848. Il ne s'engage pas. Il votera à titre personnel pour Louis-Napoléon Bonaparte, mais l'Univers n'a pas pris position. Très vite, cependant, en 1850, il y aura, j'y reviendrai dans un moment parce que Hugo y est mêlé, la dispute au printemps de 1850 sur la restriction à apporter au suffrage universel, et puis en 1851, le débat sur la prorogation des pouvoirs présidentiels. Évidemment, dans ces deux débats, sur le suffrage universel et sur la prorogation des pouvoirs du président de la République, ils seront opposés et Veuillot approuvera le coup d'État du 2 décembre 1851. Il était absent de Paris, mais lorsqu'il revient à Paris, il y aura donc un premier Paris du 5 qui signale son approbation. Le résultat, c'est qu'il sera l'un des plus maltraités dans les châtiments. Il est l'un des hommes de l'époque les plus maltraités. Dans les châtiments, en 1853, Hugo fait figurer deux grandes pièces contre Veuillot. La première, qui est intitulée « À des journalistes de robe courte ». Les journalistes de robe courte, ce sont les affiliés laïcs des jésuites, donc la robe courte les désigne, où on lit, hein, ce sont de longs poèmes, je ne vous en montre que quelques strophes. « Votre immonde journal, l'Univers, est une chartée de masques déguisés en prédicant Camus, qui passe en prêchant la cohue ameutée et qui parle argot entre deux orémus. » Et quand un galant homme, c'est un peu plus bas dans le poème, à de tels compagnons fait cet immense honneur de leur dire « Mes drôles, je suis votre homme, dégainons !» Donc allusion au duel qui se pratique dans le journalisme et que Veuillot a pratiqué dans sa jeunesse, plus souvent qu'à son tour. Un duel, nous, des chrétiens, jamais, et ces crapules font des signes de croix et jurent par les saints, lâches gueux, leur terreur se déguise en scrupules et ces empoisonneurs ont peur d'être assassins. Bien, écoutez, la trique est là, fraîche coupée, on vous fera cogner le pavé du menton, car sachez le coquin, on esquive l'épée que pour rencontrer le bâton. Donc c'est un Veuillot qui désormais refuse le duel traditionnel entre journalistes depuis qu'il est converti au catholicisme. Et on s'en prend beaucoup dans la presse à son refus du duel, alors qu'il n'y a pas journaliste plus injurieux et calomniateur que lui. Il y a notamment une polémique dans cette année 1850 avec Joseph Méry. Joseph Méry, c'est le poète, le journaliste de cette revue importante qui s'appelle Némésis, la Némésis. Et le ton monte avec Joseph Méry et Veuillot refuse le duel. Le second poème en entier consacré à Veuillot dans les châtiments, c'est le poème qui est intitulé « Un autre » et qui circulera à Paris sous le Second Empire parce qu'il est moins anti-bonapartiste qu'anticlérical. Et l'anticléricalisme passe mieux sous le Second Empire. En voici quelques strophes. « Alors ce va-nu-pied songea dans sa mansarde et se voyant sans cœur, sans style et sans esprit, imagina de mettre une feuille poissarde au service de Jésus-Christ. » Voilà, l'Univers comme, tactique commerciale. Il prospère, il insulte, il prêche, il fait la roue. S'il n'était pas saint homme, il eût été sapeur. et comme s'il s'y lavait, il piaffe en pleine boue, et voyant qu'on se sauve, il dit « comme ils ont peur ». Il faut aussi remarquer que ces deux poèmes contre Veuillot sont datés par Victor Hugo de septembre 1850, c'est-à-dire bien avant le coup d'État et l'exil, et cela donne à Veuillot un rôle très ancien dans la genèse des châtiments, et j'y reviendrai dans un instant. Cette position est importante, il est au cœur des châtiments. Bon, il y a deux longs poèmes qui lui sont consacrés, plus des allusions éparses dans des séries, par exemple ceci, « Bravo, César a pris le chemin de traverse, courons féliciter l'Élysée à présent, du sang dans les maisons, dans les ruisseaux du sang, partout, pour enjamber ces effroyables mares, les juges lestement retroussent leurs simarres, et l'Église joyeuse en emporte un caillot, tout fumant, pour servir d'écritoire à Veuillot. » Le sang dans son écritoire. Nombreuses allusions à Veuillot, en voici encore une autre. « Il monte à l'assaut des lois sur la patrie, il s'élance, chevaux, fantassins, batterie, bataillon, escadron, gorgé, payé, repu, joyeux, fou de colère, sonnant la charge avec Maupas pour vexillaire et Veuillot pour clairon. » Alors cette haine qui se développe entre 1849 et 1851, entre les deux hommes, elle est fortement liée au compte-rendu sévère des discours de Hugo à l'Assemblée constituante et puis à l'Assemblée nationale de 48 à 51. Parce que systématiquement, Veuillot s'en prend à la trahison de l'ancien pair de France, devenu un orateur populaire, et il l'oppose constamment à Montalembert. Tout cela est un parallèle entre Hugo et Montalembert, avant que Veuillot se brouille également avec Montalembert, ce qu'il fera après le coup d'État, puisque Montalembert ne sera pas un soutien de l'Empire à la manière de Veuillot. Mais pendant ces années-là, c'est toujours l'éloge de Veuillot contre le blâme de Hugo. Le premier épisode, et il est très important parce que Veuillot n'est pas le seul à le remarquer, le premier épisode a lieu le 19 octobre 1849. C'est à propos du débat sur la restauration des pouvoirs temporels du Saint-Siège. C'est donc la question de Rome qui est évoquée. Et Hugo a été élu député à l'Assemblée législative en mai 1849 sur un programme modéré. Et c'est le moment où Hugo bascule sous le drapeau du radicalisme à propos de cette question de Rome. Et voici le compte-rendu de la séance dans l'Univers. Aujourd'hui, c'est le pauvre monsieur Hugo qui brille une minute pour disparaître dans le rayonnement incomparable de la parole et du succès de monsieur de Montalembert. Et c'est toujours ce parallèle Hugo-Montalembert. On demande de quel Hugo nous voulons parler. Toujours du même, mais maintenant il est montagnard. Vous voyez, il a changé de drapeau. Il a quitté la plaine, il a gravi la montagne. Hélas, Pégase est arrivé fourbu. Pégase, surnom de Hugo et du poète dans toutes les caricatures. Pégase est arrivé fourbu et le poète a dégringolé des hauteurs. Il s'était bien appliqué, il avait bien ajusté ses antithèses. Hugo, c'est l'antithèse. On verra très souvent revenir cette formule. Hugo, antithèse. Il avait bien ajusté ses antithèses, tout était reluisant, chevillé, graissé d'adjectifs et joué à merveille. Le voilà en scène, avec une mémoire sûre et des poumons pleins de vent. À côté de l'antithèse, c'est les poumons. Hugo est toujours caractérisé par les poumons. La droite l'écoute, la montagne l'applaudit, il a des intonations presque aussi glorieuses que celles du citoyen Frédéric Lemaître, le grand acteur. Que dit-il ? Nous venons de le dire, la montagne applaudit. il parle du gouvernement clérical, il parle de l'Inquisition, qui ne peut être qu'une mauvaise chose parce qu'elle a un nom mauvais, il parle de la papauté qui ne connaît plus sa mission, et de Rome qui n'est pas libre puisque l'on n'y joue pas, le roi s'amuse, il parle de la honte acquise à nos drapeaux si nous n'établissons pas à Rome un gouvernement qui donne aux Romains les beaux jeux du théâtre, il parle du triumvirat rouge, de ces cardinaux qui, de ces cardinaux que, enfin de ces horribles cardinaux. Voilà le compte-rendu de ce grand discours de Hugo. Et je vous montre celui du Charivari, par contraste, parce que pour Veuillot, tout est bon chez Montalembert et mauvais chez Hugo. Et voici le compte-rendu du Charivari, qui est assez intéressant, puisqu'on y retrouve les antithèses. « Cependant, ce n'était point sans émotion que nos vénérables capucins voyaient les antithèses de Victor Hugo s'avancer contre eux. » Et c'est l'armée des antithèses. Le petit Thiers essayait de les rassurer. « Tenez-vous toujours, leur disait-il, à distance du premier membre de phrase, jetez-vous sur la finale et arrachez la mèche, il n'y aura pas d'explosion. » Ces phrases qui explosent. Et voyez la suite de ces métaphores, puisque tout est décrit comme vraiment une guerre. Aux premières bombes, les capucins ont essayé de ce système. On appelle toujours ces jésuites capucins. Mais voilà-t-il pas que toute la mitraille leur éclate au nez? Victor Hugo avait changé de projectile, si bien que jamais fusée à la Congrève, éclatant au milieu d'une bande d'Arabes, on n'est pas très loin de la conquête de l'Algérie, ne fit autant de ravages que son discours d'aujourd'hui sur les bancs de la majorité. C'était à la fois une pétarade, une fusillade et une canonnade qui vous battait le rapport de M. Thiers en Brège, qui démolissait les cardinaux et ne laissait pas debout un seul pan du proprio motu. Donc, toutes ces métaphores de la guerre, mais ce point commun des antithèses de Hugo. Mais évidemment, pour le Charivari, c'est Hugo qui l'a emporté. Pour Veuillot, en revanche, voilà donc M. Hugo parvenu au comble de la gloire. On crie, on se précipite pour le féliciter, on suspend la séance. Mais avant de quitter la salle, s'il a jeté un regard sur la tribune ébranlée de ses coups de poing, il y a vu la figure émue et grave de M. de Montalembert. Olympio, Olympio, je vous le dis, dépêchez-vous, saisissez vite ces mains qui cherchent les vôtres, ouvrez bien vos oreilles aux félicitations, savourez, avalez votre triomphe et mettez les morceaux doubles. Tout ce grand succès, votre premier succès de tribune, ne sera tout à l'heure qu'un échec de plus. Monsieur de Montalembert n'a encore prononcé qu'une phrase et déjà justice est faite. Le discours que vous venez d'entendre a reçu le châtiment qu'il mérite. Je parle des applaudissements qui l'ont accompagné. Phrase qui restera célèbre, ce châtiment des applaudissements de la montagne. Un hurrah d'acclamation éclate d'un côté, un hurrah d'imprécation de l'autre. D'un côté, c'est la conscience et le bon sens qui se sentent vengés et soulagés. D'un autre côté, c'est la vanité, l'ignorance, la passion démagogique qui se sentent jugés et flagellés. Ben, voilà le mot châtiment qui figure dans ce discours de Veuillot. Ce discours châtiment qui est remarqué par tout le monde, qui revient dans sa péroraison, voilà la péroraison de Montalembert. Saisissant un moment de silence, il retire le trait qui fait bondir la montagne, mais pour l'enfoncer plus avant, d'une main plus vigoureuse, armée d'une pointe nouvelle, vous ne me permettez pas de dire que ce discours a reçu son châtiment, disons seulement qu'il a reçu sa récompense. Ben, c'est le moment fatal, y compris avec ce mot « châtiment » que Hugo reprendra dans son recueil satirique. Et ce moment est donc remarquable. Hein. C'est une journée fatale. Hugo ne pourra répondre à Montalembert que le lendemain, assurant qu'il est très content du châtiment qui lui a été infligé, qu'il en est fier, et que M. Montalembert s'est mis du parti des bourreaux, que quant à lui, il reste du parti des victimes. Et voilà l'illustration par Daumier de cette journée fatale, hein, avec Victor Hugo qui place cet été noir sur la tête de Montalembert. Montalembert est toujours représenté dans les caricatures de Daumier de ces années avec un été noir et une auréole. C'est donc une caricature pour le Charivari qui n'a pas été publiée. C'est une lithographie dont le titre est « Une gloire éteint l'autre ». Bon, c'est ce discours de Hugo le 20 octobre 1849 en réponse à Montalembert qui a dit que ces applaudissements de la montagne étaient le châtiment. Voici le discours de Hugo. Ce châtiment, je l'accepte et je m'en honore. Longs applaudissements à gauche. Il fut un temps, rappel du passé, où ils étaient du même bord. Il fut un temps que monsieur de Montalembert me permette de le lui dire avec un profond regret pour lui-même. Il fut un temps où il employait son beau talent. Il défendait la Pologne comme je défends l'Italie, la liberté. J'étais alors avec lui, il est contre moi aujourd'hui. Cela tient à une raison bien simple, c'est qu'il a passé du côté de ceux qui oppriment et que moi, je reste du côté de ceux qui sont opprimés. Ce sera l'argument de Hugo régulièrement pour dire que qu'il n'a pas changé, que ce sont les autres qui ont changé, qu'il a été royaliste, chrétien, orléaniste et maintenant républicain, parce qu'il était toujours du côté des opprimés. C'est donc ce moment qui déclenche la véritable guerre entre Veuillot et Hugo, qui est poursuivie de sarcasme à partir de cette date. J'ai dit que l'étape suivante, au printemps de 1850, c'est le débat sur le suffrage universel. Comment restreindre ce suffrage universel qui vient d'élire, par exemple, Eugène Sue, député de Paris. Et voilà ce qu'écrit Veuillot dans ce compte-rendu de séance. « Monsieur Hugo est l'orateur de la montagne. Il a des phrases qui l'enlèvent, qui la font mugir. On l'a plusieurs fois applaudi de ce côté. De l'autre côté, on riait. Des deux côtés, on était sincères. Cette éloquence tuméfiée a un goût de gros vin. » Rappelez-vous que ce goût de gros vin, on l'imputait également à Veuillot, qui a été élevé à Bercy avec un père tonnelier et une mère qui tenait un cabaret. Goût de gros vin qui charme les uns et qui donne aux autres des nausées. Monsieur Hugo s'écrit « Le peuple laissera vos lois enfoncer leurs pauvres petits ongles dans le granit du suffrage universel. La montagne pousse deux hurrahs, la droite rit à deux volées. Monsieur Hugo se fâche d'entendre rire, il s'en plaint, mais sans esprit, et l'on rit encore. « Vos rires sont au moniteur, » dit-il. « Greffier, écrivez qu'on a ri, et le rire redouble. » Donc c'est sarcasme contre Hugo, ce Hugo qui change de bord sans arrêt et constant. Voici encore une attaque contre le poète le 14 juillet 1850, qui vise aussi Lamartine. Dans une société sage, il y aurait sinon une loi, du moins une coutume, qui interdirait toute fonction civique à tout homme convaincu d'avoir fait des vers passé l'âge de 30 ans. Tout poète ne pourrait être relevé de cette incapacité qu'après l'examen d'un jury de prêtres, d'artisans, de magistrats et de médecins qui décideraient si la qualité morale de ses strophes et de son intelligence peut le faire absoudre du cas de métromanie. La seule présence de Monsieur Hugo à la tribune annonce donc un renversement complet de tout bon sens politique dans le pays. Juillet 1850, déclamation d'un Veuillot qui a toujours fait des vers. Ces couleuvres que l'on voyait dans la caricature sont bien plus tardives. Alors c'est une idée qui est importante et qui revient chez lui souvent. Bon, c'est une condamnation du poète bien connu depuis Platon. Veuillot écrivait quelques mois plus tôt, c'est dans le livre qui s'appelle « Les libres penseurs », « Attaque de toute la libre pensée », livre publié en novembre 1848, il écrivait ceci, C'est la première page du livre. Le poète est un moineau lascif. C'est le fond de sa nature. Je reviendrai sur cette expression de moineau lascif, très importante. Il n'arrive pas à la virilité intellectuelle. Il est vain, capricieux, poltron, colère, flatteur, comme l'enfant ou comme la femme. Il apprend vite, il sent avec force, il n'approfondit rien, il oublie aussitôt. Changeant sans cesse de jouer, d'amour, de parure. Il lui faut des rubans, des verroteries, des louanges, surtout un maître, Louis XIV ou Samuel Bernard, ou le parterre, peu importe. Pourvu qu'on le flatte et qu'on le nourrisse. Il prend son repas, louche son quartier, sort repu, lève la tête et se croit le premier homme du monde. Dénonciation du poète par Veuillot. Et je signalais ce moineau lascif. Le poète est un moineau lascif. C'est la phrase qui sera retenue. Et de manière très curieuse, elle disparaît entre la première édition. Vous voyez, c'est la première page des Libres Penseurs, livre premier des écrivains. Première édition, novembre 1848. Le poète est un moineau lascif, c'est le fond de sa nature, il n'arrive pas à la virilité intellectuelle. Deuxième édition, mars 1850, le poète n'arrive pas à la virilité intellectuelle. C'est donc une phrase qu'on lui a beaucoup reprochée. Mais pourquoi ? Mais pourquoi cette phrase était si scandaleuse ? Peut-être que c'est un peu pervers de s'intéresser aux variantes de Veuillot, de Louis Veuillot, mais celle-ci n'est pas inintéressante. Il parle dans la préface de la seconde édition des corrections qu'il a faites et il s'en prend à ceux qui l'ont attaqué après les Libres Penseurs. Il s'en prend notamment avec beaucoup de vigueur à Émile Deschanel. Émile Deschanel, personnage dont je parle parfois, hein, qui était le condisciple de Baudelaire au lycée Louis le Grand, qui a été exilé pendant tout le Second Empire et qui, après le Second Empire, est devenu professeur au Collège de France et qui a été professeur au Collège de France très tard, dans le XXe siècle. C'est lui qui a été un jour poignardé par une auditrice à la sortie de son cours. C'est quelque chose que je garde toujours à l'esprit lorsque je quitte la salle. Mais je crois que c'est le seul cas où ce soit arrivé au Collège de France. En tout cas, il est très attaqué par Veuillot dans la préface de la seconde édition parce que dans la revue qui s'appelle « La liberté de penser », qui est la revue de Renan, de tous les libres penseurs, de Michelet, de Quinet, ils écrivent tous dans la libre pensée, donc c'est eux qui attaquent les libres penseurs, et il s'en prend beaucoup à Deschanel, notamment parce que Deschanel a écrit un article très célèbre dans la revue des Deux Mondes en 1847, où il compare Sappho à Sainte-Thérèse. Et c'est ça qui scandalise absolument Veuillot. C'est un article très célèbre pour les baudelairiens parce que l'article a pour titre « Sappho et les lesbiennes ». Et on se demande toujours ce que Baudelaire voulait dire par les lesbiennes lorsqu'il entendait intituler « Les fleurs du mal, les lesbiennes ». Qu'est-ce que c'était que des lesbiennes pour Baudelaire et pour cette époque ? Et il n'a pas l'air de faire de doute de ce qu'est une lesbienne pour Veuillot lorsqu'il écrit plus haut dans la préface de la seconde édition « J'ai nommé la liberté de penser, manège de libre penseur où caracole M. Deschanel, lequel, en ses exercices, compare Sainte Thérèse à Sappho et met la sainte au-dessous de la lesbienne. Cette liberté de penser où brille M. Deschanel me reproche d'insulter les dames de l'écritoire. » Il y a donc toute une polémique sur cette phrase et pourquoi la phrase a choqué le moineau lascif. Beaucoup plus tard, Deschanel dira encore « On ne réfute pas des ordures. Disons seulement que si le poète est un moineau lascif, le pamphlétaire clérical est un vilain hibou. » Pourquoi supprimer le moineau lascif ? Le moineau lascif, peut-être que Veuillot, qui avait des humanités fragiles, puisqu'il était autodidacte, ne se rendait pas compte qu'il citait un vers de Catulle, un vers érotique de Catulle, qui est à l'origine de cette lascivité du moineau. Hein. Moineau, toi qui fais les délices de ma maîtresse, avec qui elle joue, qu'elle tient contre son sein, qu'elle touche quand il le réclame du bout de son doigt. Donc le moineau est l'animal érotique par excellence, hein, repris par Martial. Donne-moi des baisers, mais comme ceux de Catulle, et s'ils sont aussi nombreux qu'il l'a dit, je te donnerai le moineau de Catulle. Hein, le moineau de Catulle est bien la représentation. Donc voilà pourquoi le moineau lascif. Veuillot avait fait une allusion très périlleuse, peut-être sans s'en rendre compte. Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, aujourd'hui une vieille citrouille à moitié remplie de diamants. Étape suivante de cette querelle, donc, la révision de la Constitution en 1851. Et c'est le second grand discours de Victor Hugo à l'Assemblée contre cette révision de la Constitution. Celui qui lui répond, c'est Baroche, ministre permanent de la République et puis de l'Empire. Je ne sais pas bien de quoi il est ministre à cette date-là. Mais il lit contre Hugo sa profession de foi modérée de l'année précédente. Et l'hilarité, c'est encore l'hilarité qui dit « Veuillot est arrivé à son comble lorsqu'on a vu reparaître dans la profession de foi modérée l'antithèse la plus caressée et la plus limée du discours socialiste ». Toujours l'antithèse. L'antithèse de Napoléon le Grand et de Napoléon le Petit. Monsieur Hugo se sépare de ses opinions, de ses amis, jamais de ses antithèses. Il a la même antithèse qui pourra être réutilisée. Il déserte avec armes et bagages, mais cette antithèse, tournée d'abord contre les socialistes, tournée ensuite contre les modérés, se tourne enfin contre lui-même et lui crève en plein visage comme un pistolet de pacotille. Le fou rire courait dans la salle, les tribunes riaient, les huissiers riaient, le président ne s'en faisait pas faute, à la bonne scène, à la bonne justice. C'est vraiment les deux grands moments de ce conflit entre Hugo et Veuillot, hein. Octobre 1849, juillet 1851, la question de Rome, la prolongation des pouvoirs du président de la République, et 20 ans après, lorsqu'il écrit une nécrologie de Baroche, qui était le ministre, en 1870, eh bien, Veuillot évoque encore ces deux moments. Hein. Quelle grêle, plus martelée qu'un vers de Chapelain, le grand poète s'en alla penser d'incurables ecchymoses. Une seule autrefois, à cette même tribune, de la main de Montalembert, il fut aussi tragiquement conditionné. Donc c'est les deux moments toujours auxquels revient Veuillot. Bon, voici le coup d'État qui les sépare. Veuillot, qui revient à Paris le 4 décembre, écrit donc un premier Paris dans l'univers qui soutient le gouvernement. Il fait ensuite voter oui au plébiscite du 20 décembre et il s'en prend dans un article de l'univers dès février 1852 à ceux qu'il appelle, pour se moquer d'eux, les émigrés de 1851. Et Hugo fait partie de ces émigrés de 1851 qui émigrent alors qu'il n'y a pas véritablement de danger. Et Veuillot reviendra très longtemps après à ce moment décisif. Alors c'est intéressant parce que c'est dans un compte-rendu des souvenirs d'un autre de mes combattants, les souvenirs de Granier de Cassagnac. Granier de Cassagnac publie ses souvenirs en 1878, donc bien longtemps après, et il évoque ce discours de Hugo en octobre 1849 qui l'aurait fait basculer à gauche. Il dit ceci, c'est Granier de Cassagnac, « J'ai des raisons personnelles de rester persuadé que si au lieu d'arriver à Paris au mois d'avril 1850 et de soutenir l'empereur, pas encore l'empereur, le président de la République, plus tard l'empereur, j'y étais arrivé au mois de septembre 1849, Victor Hugo aurait été l'un des premiers fidèles et des plus grands ministres de l'empereur. La rupture des deux éminents esprits eut lieu le 20 octobre 1849. Victor Hugo ne l'avait pas voulu et l'empereur la regretta amèrement. » C'est Veuillot qui cite donc ce passage en 1878 pour bien montrer que c'est là la rupture. Et voici le commentaire qu'il en fait. Donc Veuillot, « Le prince, par l'organe de ses ministres, prit une attitude modératrice. » Donc c'est sur le pouvoir du pape à Rome. Monsieur Hugo en prit une hostile et s'attira le mémorable discours de Montalembert. Ce fut fini, monsieur Hugo devint rouge à jamais. Donc pour Veuillot, comme pour Granier de Cassagnac, c'est le véritable virage dans la carrière de Hugo. La haine date de ce moment, la rupture est consommée entre Hugo et Louis-Napoléon Bonaparte, et c'est, au fond, le début des châtiments. Pour chaque fois que Veuillot revient au châtiment, il le considère comme une vengeance, notamment une vengeance contre lui. Mais les Hugoliens ne sont pas sans considérer que dans les châtiments, eh bien, Hugo a adopté le style de Veuillot, que l'influence de Veuillot se retrouve et introduit une transformation de la poétique hugolienne dans ce recueil satirique. Par exemple, Jean-Claude Fizaine qui dit que, au fond, c'est, je le cite, « le plébéien Veuillot attaquant le représentant du peuple devenu symbole de la démocratie » en vient à encanailler la muse de l'ancien pair de France. C'est le style de Veuillot qui marque les châtiments avec cette langue populacière, parfois ordurière, et cette sorte de monstruosité que l'on peut retrouver. Au fond, dans les châtiments, il y aurait la voix de Veuillot résultant de ces attaques de ces années-là. Les attaques entre le clan Hugo et le clan Veuillot, puisque des deux côtés ce sont des clans, ponctuent toutes ces années, puisque d'un côté c'est l'univers de Veuillot, de l'autre côté c'est le journal des fils Hugo, l'événement. Donc l'événement et l'univers polémiques sans relâche. Et je lis par exemple dans l'univers du 10 décembre 1850, cette attaque contre Veuillot que je mets sous vos yeux parce que vous y retrouvez quelque chose qui vous rappellera un cours précédent et une citation que je regrette de n'avoir pas connue à l'époque. C'est Charles Hugo qui écrit contre Veuillot dans l'événement et qui lui dit « Vous poursuivez dans les hommes de la littérature contemporaine les grands hommes de la littérature du XVIIIe siècle que vous n'osez attaquer en face. Que le chiffonnier Tartuffe, voilà, Veuillot, chiffonnier Tartuffe, emplisse chaque soir son journal des immondices du coin de la borne, rien de mieux, mais nous ne lui permettrons pas de vider sa hotte sur Molière. » Bon, j'aurais aimé connaître cette citation pour l'ajouter à l'ouvrage sur les chiffonniers, puisqu'elle nous montre, confirme bien la prégnance de ce modèle du chiffonnier, et ainsi, Veuillot lui-même a été traité de chiffonnier par le fils Hugo. Il y a donc, dans les châtiments, ces poèmes contre Hugo, qui sont connus à Paris en 1853. Le recueil ne vient pas à Paris, mais dans le siècle, on publie des extraits. Et Veuillot demande aux journalistes du siècle communication du poème complet, le poème « Un autre » qui lui est adressé. Et il l'obtient et il le cite beaucoup plus longuement dans l'univers qu'il n'a été cité dans le siècle. Donc les plus longues citations hostiles à Veuillot publiées en 1853, c'est dans l'univers. Et voici ce qu'il écrit pour l'introduire. « Parmi les réfugiés, tout autre à l'exception de M. Pia, l'auteur du chiffonnier de Paris, qui ne travaille qu'en prose, serait incapable de manier ainsi la calomnie et l'injure. Nous sommes traités en toutes lettres d'espions, de voleurs, d'assassins et de crapules. Voilà quel bourrimé remplit dans son exil cet homme qui a été pair de France et qui est académicien. Il y a quelque chose de plus pour moi, il insulte ma mère. » Et c'est cette strophe que Veuillot ne cite pas dans l'univers. Ce Zoïl Cago naquit d'une javotte, le diable, ce jour-là, Dieu permit qu'il créa, d'un peu de Ravaillac et d'un peu de Nonotte, composa ce gredin béat. Et ça deviendra un leitmotiv dans toute la suite de la carrière de Veuillot, le fait que Hugo a injurié sa mère. Sa mère qui vit encore, la cabaretière de Bercy. Alors c'est d'autant plus intéressant que ce Zoïl Cago se traitait lui-même de Zoïl dans son compte-rendu du Rhin. L'autodidacte. N'oubliez pas que Veuillot est un autodidacte. Et voici comment il se décrivait dans son compte-rendu du Rhin en 1842, que Victor Hugo n'a donc pas oublié. « Je ne veux point faire ici des attaques personnelles, des personnalités. Je veux prouver quelque chose contre M. Hugo. Il se croit une valeur politique et compose des livres pour le démontrer. Je compose des articles pour démontrer que ces livres ne démontrent pas ce qu'il prétend. Voilà tout. Je crains bien de n'être qu'un Zoïl, mais je suis sûr d'être dans mon droit et dans mon devoir. » Donc c'est le mot qu'il employait lui-même. Bon, je suis obligé d'accélérer, mais je n'en suis qu'en 1853. Veuillot, un peu plus tard, consacre un très long article aux contemplations. C'est pendant 4 numéros successifs de l'univers, il rencontre des contemplations en 1856 à leur parution. Il se trouve que c'est l'une des études les plus fouillées, les plus détaillées de l'œuvre de Veuillot. Depuis qu'il est hors de France, écrit-il, M. Hugo a donné divers ouvrages qui ne lui font pas honneur. Bon, c'est les châtiments. Œuvre mal faite et malfaisante, où l'écrivain disparaît sous le démagogue sous le sicaire. Il y satisfait ses ressentiments particuliers. Et cette idée que la littérature, c'est le ressentiment, c'est ce qu'on a rencontré souvent, c'est la vengeance. À l'abri de toute répression, il a publié ses vers que leur qualité met à l'abri de toute représaille. Je n'ai aucun besoin de me venger, aucun dessein de provoquer, aucun désir d'éviter des injures nouvelles. Donc il continue d'attaquer Hugo violemment, en particulier de cette revendication hugolienne du titre de proscrit. Et pourtant, il y trouve les plus beaux vers de la langue française. Ce recueil, dans lequel la note impure résonne et domine jusqu'à la fin, est dédié à une grande douleur, la mort de Léopoldine, la plus aiguë que puisse éprouver le cœur de l'homme, la douleur paternelle. Monsieur Hugo dépose ses contemplations sur le tombeau de sa fille. Un livre tout entier est consacré à cette chère mémoire. Elle reparaît souvent dans les autres. Presque toujours, elle y ramène l'accent attendri, les nobles pensées, les beaux vers. Il faut ajouter à ce propos que Veuillot avait eu 6 filles. Et de ces 6 filles, 4 sont mortes assez rapidement. Il n'y en a resté que 2. Donc il est particulièrement sensible à ce deuil de la fille. Et il écrit des vers à Vilquier, dans vos cieux, au-delà de la sphère des nues, au fond de cet azur immobile et dormant, peut-être faites-vous des choses inconnues où la douleur de l'homme entre comme élément. Il n'y a pas de plus beau vers dans la langue française ni dans la langue chrétienne. Évidemment, il corrige aussitôt cet éloge. Malheureusement, cette veine magnifique s'ouvre rarement et s'épuise vite. Mais tout de même, il n'y a pas de plus beau vers dans la langue française. Et puis, voici le poème auquel Veuillot est particulièrement sensible, et j'étais aussi heureux de le trouver, puisque c'est un poème que j'ai cité dans le passé. Dans une pièce, vous voyez toujours un mélange de l'éloge et du blâme, dans une pièce à peu près inintelligible, dont la plupart des strophes sont de véritables bourrimés, le cri de la conscience passe à l'improviste. C'est d'être un forçat qui promène son vil labeur sous le ciel bleu, c'est de porter la hôte humaine où j'avais vos ailes, mon Dieu. Un vers que j'avais commenté il y a quelques années à propos justement de cette hôte qui, pour Hugo, symbolisait la condition humaine, cette hôte du chiffonnier qui symbolisait la condition humaine. Et bien, ce sont les vers que Veuillot retient. Et la hôte est pleine, on y trouve de l'or, mais mêlé de gravier, toujours. Ce mélange, des perles, mais avec l'huître, des pièces de riche étoffe, mais tachées, fripées, déchirées dans la hotte du chiffonnier, et dont les plus pures semblent avoir traîné dans une nuit de mardi gras. Il faut parfois remuer longtemps ce fouillis avant de découvrir quelques fugitives indications de beauté. Ensuite, eh bien, ce sont les Misérables. Et Veuillot est très sensible aux 2 premiers livres des Misérables, puisque ce sont des livres chrétiens. Ce sont des livres chrétiens que cette rédemption de Jean Valjean. Il y trouve, dit-il, l'étoffe admirable d'un écrivain qui possède une immense puissance de poumon. C'est toujours ça. Antithèse et poumon. Hugo, antithèse et poumon. Une immense puissance de poumon découplée sans doute par le vacarme de ses sots admirateurs. Alors, il y a toujours ce tapage autour de Hugo, mais après tout, conquise par une véritable force de génie. Et les allers et retours, éloge, blâme, éloge. Bon, il y a donc une sorte de réconciliation finale, malgré le traitement que Veuillot a reçu de la part de Hugo. Et dans le livre qui s'appelle « Les odeurs de Paris », en 1867, donc encore sous l'Empire, il consacre un passage à Hugo, à un poète, avec des réserves, mais ajoutant, depuis que ces pages sont écrites, ce sont des réserves sur le côté voltairien de Hugo, j'ai lu les chansons des rues et des bois, et il est arrivé un fait que je n'aurais pas attendu à cette occasion. Les chansons, sœurs très ressemblantes des châtiments, donc la nouvelle poétique hugolienne, plus populaire, et filles comme eux de l'âme grossière et violente, sont cependant singulièrement mieux tournées. L'auteur n'a pas donné de pièces de métier où paraissent autant la force et la dextérité de sa main. Cela est plein, sonore, d'une sûreté, d'une netteté, d'un relief admirable. Peu de coton, peu de cheville, c'est de la chair vivante et ferme qui bondit de la seule vigueur des muscles et palpite de la seule chaleur du sang. Je voudrais oser dire que ce recueil est le plus bel animal qui existe en langue française. Vous voyez qu'il y a donc un retour à Hugo, malgré les injures de Hugo dans les châtiments, et on le retrouve dans les articles des années, la fin des années 1860 et 1870, quelques exemples. Hugo a été l'homme moderne plus qu'aucun autre contemporain. Ceci s'est écrit en décembre 1870, donc sous la République, sous la Troisième République, et Hugo est revenu dans un article intitulé « L'ancien Hugo, l'homme moderne ». L'homme moderne, plus qu'aucun autre contemporain. Entre ceux qui n'ont qu'un cerveau et ceux qui n'ont que des sens, il est l'homme vrai. On ne trouve point cela chez Lamartine, qui est un orgue, ni chez Musset, qui est un oiseau. Les deux autres grands poètes pour lui. Voici le moineau lascif qui revient. Monsieur Hugo est plein de feu, de sang et de larmes. Il se sent vivre, il se sent mourir. Il prend l'énigme au sérieux, il va au sphinx, il l'interroge parmi les débris de ceux qui furent dévorés. Il a été vaincu, quiconque voudra l'étudier le plaindra. Il est plus vaincu que d'autres parce qu'il pouvait mieux vaincre. Les ossements qu'il a laissés sont d'un géant. Bon, vous voyez qu'il y a un retour à Hugo et c'est le moment où Veuillot écrit en effet « Il est le plus grand poète du monde et peut-être de tous les temps ». Du côté de Hugo, je terminerai sur une notation peut-être plus apaisée, c'est celle qui donnait le titre à mon propos d'aujourd'hui. Lorsque Hugo est chassé de Bruxelles en 1871, en juin 1871, c'est après la Commune, il écrit ceci dans ses notes de voyage. « On me dit qu'à propos de mon expulsion, Veuillot m'a appelé « vieille citrouille » et qu'il a ajouté ce correctif poli « à moitié rempli de diamants ». « Vieille citrouille à moitié remplie de diamants » résume parfaitement ce jeu qu'il y a eu entre ces deux hommes, mais adversaires de toujours, sans doute n'ont-ils pas été de loyaux adversaires, selon l'expression que j'avais utilisée plusieurs fois, mais c'est une inimitié qui a tout de même été féconde, puisqu'après tout, cette poétique des chansons des rues et des bois, Veuillot reconnaît à juste titre ce qu'elle doit au châtiment, et ces châtiments lui doivent quelque chose dans cette nouvelle poétique plus populaire de Hugo. J'arrête là. Merci. Du Collège de France le 13 mars 2018, vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon, aujourd'hui une vieille citrouille à moitié remplie de diamants. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Sa série sur les chiffonniers de Paris a donné lieu à un bel ouvrage publié sous ce titre chez Gallimard en 2017. Grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France et à Sandra Escamez de l'INA. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous découvrirons aux côtés d'Antoine Compagnon une ultime grande figure de la guerre littéraire, Sainte-Beuve. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.